votez pour moi au passage, hein, c'est pas plus mal, parce que bon, je suis quand même une vraie colo, je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Paname c'est crade, ouais connard c'est sale, y'a des rats d'égout qui se baladent sur les trottoirs. Donc comment allez-vous, ici à Pâques la tour Eiffel, des mecs se ken, c'est Benetton. C'est un mythe que les parisiennes te disent je t'aime sur les ponts. Belleville c'est plein de restaurants chinois, on dit que ça bouffe du chat et la magie des grecs c'est original. La police, j'en parle même pas. Tous les samedis, c'est manifestation à Magenta. Tu vois des mecs qui font de la cocaïne. Des jeunes femmes qui taillent des pipas, te faire péter la dopamine. Paris est magique, logique. Tout le monde est au casque. Bienvenue dans la ville lumière, RR. Le parisien est bipolaire, RR. Macron, c'est la nouvelle ère, RR. La la la la la la la la la la la la. Bienvenue dans la ville lumière, RR. Le parisien est bipolaire. Macron c'est la nouvelle ère, RR. La la la la la la la la la la. À peine un pas dehors et comme un con tu marches dans la merde. Le touriste fait le pont devant sa meuf, il nage dans la Seine. Les boîtes de nuit sont le kiff des agents de sécu. Casser des gueules et être payé, tout le monde te dira que ça tue. Depuis l'époque des repentis, tout le monde fait du rap. L'accordéon des putes en monde, c'était plus durable. La photo de classe devient un selfie avec un cul. Les bars de nuit, c'est zambulon, tout le monde sait que t'as bu. 50 euros, tu fais l'amour et tu rentres chez toi. T'embrasses ta femme, tu fais la douche et tu vas checker. Le parisien, j'en suis un, y'aura toujours un clochard pour te mettre un coup de surin. Bienvenue dans la ville lumière, RR. Le parisien est bipolaire, RR. Macron, c'est la nouvelle ère, RR. La la la la la la la la la la la la. Bienvenue dans la ville lumière, RR. Le parisien est bipolaire, RR. Macron, c'est la nouvelle ère, RR. Préparez-vous pour les chiots, la capitale elle va briller. Y'a des Arabes et des Renois qui ont remplacé David Douillet. Les pickpockets en concurrence, ça vient de Roumanie. Puis qu'à la nuit c'est la folie, les prostituées vont te faire mouiller. Tu veux de la vitamine, un petit trait blanc. Chez nous les Parisiens, on braque et la queue bon. Clé-en-cours et la base des contrefaçons. Mais rien à foutre comme Mylène Farmer, je suis un garçon. Dans les sex shops, on attire ta petite amie. Tu finis une balle dans la bouche et des parésies. Dans les sex shops, on attire ta petite amie. Tu finis une balle dans la bouche et des parésies. Capitale que je t'aime, ville lumière. Cache ta peine et ta misère sous maquillage. Ce qu'elle est belle, embrasse la tienne. Bienvenue dans la ville lumière, RR. Le parisien est bipolaire, RR. Macron c'est la nouvelle ère, RR. La la la la la la la la la la la la. Bienvenue dans la ville lumière, RR. Le parisien est bipolaire, RR. Macron c'est la nouvelle ère, RR. La la la la la la la la la la la la. Paris change de plus en plus vite. Non seulement parce que l'on construit, ce qui est normal, mais surtout parce qu'on démolit ce qu'on devrait préserver de l'usure du temps. Paris qui passe, c'est le Paris qu'on casse, que l'on détruit sous nos yeux sans que nous en prenions conscience. Car nous sommes devenus des gens pressés, des gens distraits.